Déjà le train est reparti ailleurs, vers une autre destination, vers d'autres horizons. Il s'étonne à présent des propos qu'il a échangés avec son collègue. Basta, il ne pouvait pas étaler ses regrets devant un jeune. On a encore sa fierté dans ce métier. L'autre étourdi n'aurait jamais compris que le vide qui s'ouvre au moment de prendre sa retraite peut paraître effrayant. Alors, sans trop y penser, Marcel se compose un sourire satisfait, avec l'air de celui qui enfin voit la porte s'ouvrir. Il ira jusqu'au bout, ce masque grotesque, pour suggérer aux autres qu'il est parti heureux, très heureux, fabuleusement heureux. Aujourd'hui, le tourbillon de la vie a bien ralenti pour le devenir qu'une longue rengaine de jours sans surprise. Marcel a dû s'habituer à prendre son temps, parfois même à perdre son temps pour le passé, à savourer d'autres plaisirs, mais il est déçu, car tout n'est pas comme il l'avait imaginé. Les copains ne sont pas libres, chacun a sa vie, sa famille et ses obligations. Quelques-uns, par atavisme ou à pas du gain, ont repris un petit boulot. D'autres sont repartis de leur village qu'ils avaient quitté pour faire carrière et trouver une vie plus confortable à la ville, à deux pas du travail. Les voyages sont chers. La pêche n'est plus ce qu'elle était. Marcel mettra du temps à trouver des raisons d'espérer. Ses siestes s'allongent et ses moments perdus, où son esprit s'évade, deviennent de plus en plus fréquents. Alors, quand il a le cœur à marée basse, il s'isole pour écouter un peu de musique et ferme les yeux en songeant au temps passé. Et puis parfois, il lui arrive de prendre un stylo et de coucher sur des feuilles blanches ses vieux souvenirs, peut-être pour ne pas les oublier. Aujourd'hui, tout doucement, sans s'en rendre compte, il s'est résigné et prend le temps d'écouter les autres, d'avoir une vraie vie de famille et de profiter, comme disent les actifs. Finalement, vieillir est un privilège et les gens ne sont pas faits pour travailler. Pourtant, le jour où ils cessent définitivement toute activité, ils se sentent toujours un peu inutiles et même s'imaginent presque amputés. Mais c'est peut-être le prix à payer pour que les hommes apprennent parfois malgré eux à donner du temps au temps. Va savoir.